Paul Nord, mon capitaine, est sous nos pieds. Et ça brûle. Et c'est noir. J'ai connu des êtres qui vivaient la vie selon les lois naturelles, qui n'avaient pas peur ni honte de la vérité. Et je laissais vous soumis au traitement graduel des coups de la violence et parfois du poison ou de l'euphémisme caché par un rideau de mensonges et disparu pour toujours. Ces êtres étaient peut-être les premiers, les ancêtres, les seuls qui savaient qui l'on était.